Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Paparata, mon pote. L'année 2022 pour la courte échelle va commencer comme elle s'est terminée avec la dernière semaine de 2021, c'est-à-dire que ce sont les artistes qui vont faire la programmation de cette première émission de l'année. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce premier numéro de 2022 de la courte échelle. Nous sommes à la mi-temps de cette troisième saison de la courte échelle. Et jusqu'en juin, eh bien, nous allons continuer chaque semaine à vous proposer des nouveautés des artistes indépendants. Pour l'heure, eh bien, on va démarrer cette émission, donc, comme je vous l'ai dit, avec des titres choisis par les artistes. Le premier à se prêter à l'exercice, c'est Richard Maubert avec son groupe Warlus et Teapot Woman. I know a woman, yeah, who makes tea every day for her mom, for herself. She told me yesterday. Teapot woman, teapot woman, teapot woman, yeah. She asked me for tea time. I said, please give me a French one. I'm sorry your tea is bad. One day you kill your man with your teapot woman. Pascal et Bruno forment le duo correspondante confidentielle. Ils nous viennent du Val d'Oise et les voici avec Le temps n'est rien. La courte échelle. Les deux premiers singles autoproduits d'Antoine Achelté ont vu le jour en 2013 et 2014. Ils ont été suivis par un premier album, Le Sens des Marches, en 2017. En 2019, deux nouveaux clips, Végétarien et Résistance. En 2020 est sorti son deuxième album, Petit Morceau. Antoine Achelté, le voici avec Ma Muse s'amuse. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Elle, cadeau du ciel, toujours si belle, comble tous mes voeux. Elle, froissement d'elle, souvent rebelle, mes cadeaux précieux. Elle fait des moissons, des notes, des sons, germes de désir. Elle, dans un frisson, fredonne chansons pour me les offrir. Ma muse s'amuse lorsque les notes fusent. Elle joue, rit avec moi, se glisse entre mes doigts. Ma muse s'amuse en sa ronde diffuse, m'entraînant dans sa danse, frémissant sa présence. Qui est-elle, est-ce toi? Oh non, ne t'en va pas. Elle, ça joue bien folle, dans son farandole, pour quelques élus. Me survole, m'habille de paroles où je reste nu. Elle souvent me hante, mais grande absente, me fait cancre là. Elle, fière géante, si oublie ma pente, m'y laisse tout en bas. Elle se joue de moi, me glisse entre les doigts. Ma muse s'amuse, me laissant triple muse, pour une heure, pour un mois, dans un vide sans joie. Elle se sasse, toi, comment faire sans tes bras? Elle est autrice, compositrice et interprète. Francine Cazenove écrit depuis l'âge de 11 ans. La voici avec A Fleur de Jazz. Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Avant le rock, c'était l'époque de Saint-Germain-des-Prés. On y vivait, on y dansait, c'était un bonheur frais. Révolution, alors que la valse était à trois temps. Sans rédemption, d'un rythme qui vivra longtemps. Charlie Parker, Louis Armstrong, ils ont joué cette musique et le jazz a swingé. La fleur du jazz, elle a des tons d'humeur tout passe. La fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle jazz, la fleur du jazz. La fleur du jazz, elle pousse en moi, comme dans ce vase. À fleur de jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz. Et aujourd'hui, elle a grandi dans notre intimité, en révélant dans nos pensées sa sensibilité. Nos émergences, car son existence exprimait un regard, nos volontés pour obtenir un droit d'égard. Charlie Parker, Louis Armstrong, ils ont joué cette musique et le jazz a swingé. La fleur du jazz, elle a des tons d'humeur tout passe. La fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle jazz, la fleur du jazz. La fleur du jazz, elle pousse en moi comme dans ce vase. À fleur de jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz solo. J'ai cueilli ce bouquet de fleurs, de phrases. Je t'ai guidé vers ce refrain, cette note bien en phase. Si tu me suis, je te dirai des mots d'amour toujours, pour caresser ton cœur sans rien prendre en retour. Charlie Parker, Louis Armstrong, ils ont joué cette musique et le jazz a swingé. La fleur du jazz, elle a des tons d'humeur tout passe. La fleur du jazz, elle joue New Orleans, elle jazz, la fleur du jazz. La fleur du jazz, elle pousse en moi, comme dans ce vase. À fleur du jazz, de vous à moi, je danse, je chante le jazz. La fleur du jazz, elle a des tons. Kobe, c'est Olivier, il est né à Vénissieux dans la banlieue lyonnaise. Son premier album est sorti en mai dernier. Il a pour titre d'ailleurs à l'Antre Bleu. Et voici le titre bleu de cet album de Kobe. Je danse, je chante le jazz. Je chante, je danse le jazz. La courte échelle. Bleu comme le jour, comme ma plume qui t'écrit des chansons d'amour. Les pieds lavés à l'eau de pluie. Les pieds lavés à l'eau de pluie. D'un cœur saoulé à l'eau de vie que tu verses, de ton flanc sur ce que j'écris, des mots lavés à l'eau de vie, des mots lavés à l'eau de vie. Je veux sauver la sève, sauver la sève. Je veux sauver la sève. Bleu comme l'oiseau qui sourit au plus fort qu'elle danse, ma plume entre les mots vole sans effort, sans que je pense chercher l'oiseau entre les branches. chercher l'oiseau entre les branches. Plus ce nouveau jour, que ma plume caresse comme un fruit sucré comme l'amour. Le passé lavé à l'eau de pluie, le passé lavé à l'eau de vie, à l'eau de mes larmes aussi. Je veux sauver la sève, sauver la sève. Je veux sauver la sève, sauver la sève. La lingi na biki sa, esika na zoka mayele. Maele yango epesa mbuma e bongo na kabola mbuma yango e Le groupe Zip est un trio de folk et blues originaire de la région de Grenoble. Il s'y est formé en 2019. Ces trois musiciens issus de différents univers et groupes musicaux locaux se sont retrouvés autour d'une même passion, la composition et la création. Allez, voici avec Au Bistrot du Carré. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Parce que je t'ai croisé au bistrot du Carré, rien ne laissait penser t'arrêterais, que tu me sourirais et que tu reviendrais. Un parfum qui revient comme sur un quai de train, un regard dans un coin, un sourire incertain. Une émotion qui vient, un souffle sur ta main. Je ne sais pas comment dire ce qui me plaît dans ton livre, cette histoire qui me chavire. Rester sur ton bateau ivre, je sais qu'il faudra poursuivre, tourner ces pages et les lire sur ce chemin qui m'enivre. À toi, j'ai besoin de dire. Parce que tu m'as croisé au bistrot du Carré, qui aurait su prédire, qui aurait su te dire que je te sourirais et que je t'attendrai. Ton parfum qui revient comme sur un quai de train, ton regard dans le coin, sourire incertain, une émotion qui vient, un souffle sur ma main. Je ne sais pas comment dire ce qui me plaît dans ton livre, cette histoire qui nous chavire. Rester sur ce bateau ivre, je sais qu'il faudra poursuivre, tourner ces pages et les lire sur ce chemin qui m'enivre. À toi, j'ai besoin de dire. Chanteur, musicien, humoriste, animateur radio, Jean-Jacques Delaunay est un artiste français originaire de Normandie. Le voici avec L'amour est un pays. La courte échelle. L'amour est un pays où tout le monde est roi, où rien n'est interdit, où la folie écrit les lois. Dans ce pays d'amour, laisse-moi t'emporter. Peut-être pour un jour, peut-être pour l'éternité. L'amour est un pays sans armes et sans frontières, faubourg de l'infini, un coin d'Éden à fleurs d'enfer, où l'océan paisible dort au pied d'un volcan, où rien n'est impossible, des cheveux blonds aux cheveux blancs. Que l'automne est venu, offrons-nous une autre chance. Un passeport pour l'inconnu, un visa pour l'insouciance, pour l'aventure aux pieds nus. L'amour est un pays, une île où vont les ailes des grands oiseaux de nuit qui troublent un peu le bleu du ciel. Dans ce pays d'amour, mon amour, si je prends deux allées sans retour, on va se refaire un printemps. Puisque l'automne est venu, offrons-nous une autre chance. Un passeport pour l'inconnu, un visa pour l'insouciance, pour l'aventure au pied nu. L'amour est un pays où tout le monde est roi, où rien n'est interdit, où la folie écrit les lois. Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Nouvel an, une chanson ne peut plus d'actualité avec le slammer parisien Aimé Nouma. Venant des terres du soleil levant, traversant mers et océans, pour un rituel tour du monde en prenant bien son temps. Minute après minute, seconde après seconde, le nouvel an aujourd'hui nous revient à pas lent. Le nouvel an aujourd'hui nous revient à pas lent. Quelle joie, quelle liesse, quel bonheur. Plus ici, on ligne de neuf, de renouveau, de jour meilleur. 360 plus 5 jours qu'on ne l'avait vu. Est-il utile de préciser que ce rendez-vous annuel était prévu une semaine pile poil après la Noël, quand c'était préparé, apprêté, attendu. Fin mois, ça tombe bien, on est prêt. Chacun ses vies sur son 31, afin de se montrer vivant, bien vivant. Afin de se montrer élégant, plein d'entrain, plein d'allant. Afin de se montrer bon vivant, bien vivant. car à cause des divers incidents de la vie, accidents, maladies, guerres, incendies, homicides, suicides, attentats, attentats, suicides, et j'en passe. Des gens jeunes et d'autres déjà moins, mais encore en place, bien présents avec nous l'an passé, sont depuis lors hélas morts et passés. Permettons-nous d'avoir pour eux une petite pensée, afin d'espérer qu'ils reposent enfin en paix. Bien heureusement, entre tant d'heureux événements, parmi l'arrivée, parmi nous de nombreux nouveaux venus, qui auront à leur tour d'innombrables occasions fêter le réveillon. Bien heureusement, entre tant d'heureux événements, parmi l'arrivée, parmi nous de nombreux nouveaux venus, qui auront à leur tour d'innombrables occasions fêter le réveillon. Mais aujourd'hui, la fête est pour les grands, remplis de victoires et les petits plaçons dans l'écran. Toi, ceux qui aiment la graille, pour mes égourements, pour faire une paille. À ça seront gourmandés les convives, ivres saoulants, voulant quand même prendre le volant. Fur et à mesure que minuit, l'heure du crime approche. Je sens la température grimper entre amis intimes et proches. Regroupés mais quand même venus, se mêler, voir se mélanger à joyeux inconnus. Partager avec eux la joie d'être en vie, crier, hurler à la bonne année. S'enlacer, danser, s'embrasser, aller se baigner et surtout échanger des vœux de tout ce qu'on veut. Santé, amour, richesse, bonheur, prospérité, allégresse. Excellent, tous ces élans de solidarité, excellente cette sincère fraternité, excellent tous ces gens qui se réunissent, s'unissent à l'unisson, bomber le torse, car chacun sait que l'union fait la force. Excellente cette tradition de se congratuler, de souhaiter le meilleur pour la nouvelle année, qui verra peut-être des vies changer, des destins basculer. Je vous souhaite, nous souhaite, de garder cet état d'esprit toute l'année. Je vous souhaite, nous souhaite, de garder cet état d'esprit toute l'année. Bien heureusement, entre tant d'heureux événements, parmi l'arrivée, parmi nous de nombreux nouveaux venus, qui auront à leur tour d'innombrables occasions fêter le réveillon. Bien heureusement, entre tant d'heureux événements, parmi l'arrivée, parmi nous de nombreux nouveaux venus, qui auront à leur tour d'innombrables occasions fêter le réveillon. Mais aujourd'hui la fête est pour les grands, remplis de victuailles, de petits plaçons dans les grands. Gourmets et gourmands, tous ceux qui aiment la graille vont faire ripaille. Seuls sont gourmandés les convives, vivres et saoulants, voulant quand même prendre le volant. Au fur et à mesure de ces sorties discographiques, vous retrouvez le groupe anglo-saxon Apollo Junction dans La Courte Échelle. Et voici ici, dans cette playlist créée par les artistes eux-mêmes, avec Borderline. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. La Courte Échelle a pour mission de vous proposer chaque semaine les nouveautés de la scène indépendante internationale dans tous les styles, mais également de vous faire revivre ses principaux titres passés dans les émissions précédentes, et ceci dans les hors-séries de La Courte Échelle. Voici un groupe sans doute découvert dans La Courte Échelle pour vous, El Malek Brothers avec Electric Vertige. Et ma réalité m'a échappé. Le long des chemins sinueux, des arbres se désarticulent et des statues s'animent peu à peu en chantant des louanges ridicules. Au fond, un vieux kiosque en ruine où des musiciens jouent en silence et d'étranges animaux font mine de danser dans d'étranges transes. Mais je crois t'entendre me murmurer que je suis toujours dans ton cœur. Mais c'est ma Fender Stratocaster qui joue complètement désaccordé. Decazo nous a demandé dans cette playlist réalisée par les artistes indépendants eux-mêmes de vous faire écouter qu'on leur laisse le temps. La Courte Échelle. Les artistes sont des enfants, pour peu qu'on leur laisse la piste. Tous les enfants du monde sont des artistes, pour peu qu'on leur laisse le temps. Le temps de grandir doucement, le temps de rire, le temps d'aimer, le temps de se faire sous le monde d'une idée, sans diktat, sans préjugé. Qu'on leur laisse le temps, qu'on leur laisse le temps, qu'on leur laisse le temps, qu'on leur laisse le temps. Le temps de s'inventer la vie et de la jouer à leur image, joyeuse ou triste, mais pas toujours sage, et la vérité comme gage. Qu'on leur laisse le temps, qu'on leur laisse le temps, qu'on leur laisse le temps, qu'on leur laisse le temps. Thank you. Tous les artistes sont des enfants. Pour peu qu'on leur laisse la piste, tous les enfants du monde sont des artistes. Pour peu qu'on leur laisse le temps, tous les artistes sont des enfants. Pour peu qu'on leur laisse la piste, tous les enfants du monde sont des artistes. Pour peu qu'on leur laisse le temps, qu'on leur laisse le temps. On leur laisse le temps, on leur laisse le temps. On leur laisse le temps, qu'on leur laisse le temps. On leur laisse le temps, qu'on leur laisse le temps. Bonne année. La courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes. À la faveur de chansons originales qui sonnent comme autant d'invitations au voyage, il y a trace la cartographie d'un monde encore à explorer. Voici D'ailleurs. Je lui parle, elle me répond, me sourit. Tous les rêves que je suis viennent d'ailleurs, m'a-t-elle dit. Évidence sans défi, je hisse ma bulle. Je me lance, je tisse, je funambule. Si le vertige me désire, rien ne m'oblige à le suivre. Si le désir devient vertige, rien ne m'oblige à le fuir. Ken a commencé la danse dès l'âge de 10 ans après avoir vu le film Fame qui fut pour lui une révélation. Il a fait ses premiers pas dans les spectacles scolaires. Le voici avec Lady Jo avec Funk Me Tonight. Je laisserai les étoiles. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Silversleep est un duo musical bordelais. Les voici avec No Turning Back. La courte échelle. Christophe est originaire de la région lensoise dans le 62. Le voici avec Paradise. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Mon oxygène, my lady. En manque de toi et de nos souvenirs. La courte échelle. C'est avec celui qui nous accompagne depuis 3 saisons pour l'habillage musical de la courte échelle, Nicolas Pérez, que nous allons terminer cette émission. Voici Liberté. Si vous souhaitez en savoir plus sur la courte échelle, écouter les podcasts, consulter les playlists, connaître les artistes que vous entendez dans l'émission, eh bien, je ne saurais que trop vous conseiller de vous rendre sur le site de l'émission www.lesemissionsdejeff.com. On se retrouve la semaine prochaine pour les nouveautés de la scène indépendante internationale dans tous les styles. D'ici là, soyez heureux, à bientôt. Le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants.